Paul a gagné 1000 euros à la loterie. Le mois dernier, il avait déjà gagné 1000 euros. Marie a pris une semaine de congé. Le mois dernier, elle avait déjà pris une semaine de congé. Les employés ont eu une augmentation. Le mois dernier, ils avaient déjà eu une augmentation. Les voisins ont fait une grande fête. Le mois dernier, ils avaient déjà fait une grande fête. Bernard a rencontré l'amour de sa vie. Le mois dernier, il avait déjà rencontré l'amour de sa vie.